Radio Mont-Blanc, l'agenda. La troisième édition du Salon Habitat et Déco d'Albertville est de retour ce week-end sous la halle olympique. Rendez-vous à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Découvrez plus de 110 exposants réunis sous un même toit, prêts à partager leur savoir-faire, leurs conseils et leurs nouveautés. Que vous soyez en pleine construction, rénovation ou simplement en quête d'idées, vous allez trouver de quoi concrétiser tous vos projets. Un événement qui est l'occasion parfaite pour rencontrer des professionnels, comparer les offres et donner vie à vos envies. Vous êtes attendus nombreux pour vivre un moment d'inspiration et d'échange autour de l'univers de la maison. Et en plus, Radio Mont-Blanc vous offre vos invitations. Envoyez Habitat sur le WhatsApp 04 50 58 24 47. Dans le cadre d'Octobre Rose, la commune des Ouches se mobilise demain samedi pour soutenir la recherche contre le cancer du sein et organise une marche conviviale et solidaire. Demain, vous êtes attendu à 13h30 à l'arrêt de bus de Taquenas pour une marche jusqu'au centre du village. À l'arrivée, un goûter sera offert par la mairie. Les inscriptions sont ouvertes à l'office de tourisme des Ouches ou directement sur place le jour de l'événement. La participation est fixée à 10 euros, intégralement reversée à la recherche contre le cancer du sein. Et évidemment, le dress code, c'est le rose. En cas de mauvais temps, la marche sera annulée.